Bonjour tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 14 novembre. On va parler de Coupe du monde du patinage de vitesse. En fin de semaine, c'était la deuxième tranche et ça s'arrêtait à Salt Lake City. Au 500 mètres, Marianne Saint-Gelais a signé une médaille d'or avec un chrono de 42 secondes et 441 centièmes. Il y a Cassandra Bradette qui a fini au cinquième rang avec un chrono de 42 secondes et également 636 centièmes. Au 1000 mètres, Cassandra Bradette a terminé au 16e rang avec un temps d'1 minute 28 secondes et 865 centièmes. Au relais, au 3000 mètres, l'équipe canadienne a signé le troisième meilleur temps avec un chrono de 4 minutes 7 secondes et 900 centièmes. Au cumulatif, l'équipe canadienne a terminé au deuxième rang. Chez les hommes, Charles Hamelin a pris le septième rang au 1000 mètres avec un chrono de 2 minutes et 9 secondes et 723 centièmes. Et dans cette discipline, on a noté que c'est Samuel Girard de Fernand Boileau qui a pris le premier rang avec un temps de 2 minutes et 9 secondes et 723 centièmes. Au 500 mètres, Charles Hamelin a terminé au troisième rang avec un temps de 40 secondes et 311 centièmes. Et au 5000 mètres, l'équipe canadienne a fini au quatrième rang avec un chrono de 6 minutes 39 secondes et 882 centièmes. Au cumulatif, l'équipe canadienne a terminé au deuxième rang avec un cumulatif de 8000 points. Maintenant, on va parler de hockey. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, on va parler des Saguenay de Chicoutimi qui ont remporté deux autres belles victoires en fin de semaine. D'abord, samedi, les Saguenay ont défait les Titans d'Acadie Batters 5 à 3. Deux buts dans le match pour Ryan Verbeek, un but deux passes pour Nicolas Roy. Il y a Jake Smith qui a marqué un but, de même que Zachary Lavigne qui a marqué trois passes pour Frédéric Allard. Et vendredi, les Sags ont remporté un autre match, cette fois 7 à 4 contre les Titans d'Acadie Batters. Et dans ce match, encore une fois, Nicolas Roy s'est distingué avec une production de 3 buts et une passe. Il y a Mathieu Desgagnés, un but, deux passes. Brendan Hamelin, un but. Antoine Marcoux, de même que Jake Smith. Il y a les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont gagné 4 à 0 sur l'Armada de Belleville-Boisbriand. Et ils ont perdu 4 à 3 contre les Remparts de Québec. Au niveau junior, fiche de 500 pour les Sabres de Roberval. Hier, les Sabres ont perdu 8 à 3 contre les Marquis de Jonquière. Avant de remporter la victoire 5 à 4 contre les Aiglons d'Allemagne, Thomas Tremblay a dirigé l'attaque des vainqueurs avec une production de 2 buts et 1 passe. Il y a Maxime Paul qui a marqué 1 but et 2 passes, de même qu'Alexandre Laroche et Tommy Lavoie, et 2 passes pour Vincent Villeneuve. Maintenant, les Éperviers de Normandie se sont inclinés 6 à 3 contre les Saguenay de Chicoutimi. Dans le match, Vincent Boivin, Jérémy Cloutier et David Brisson ont marqué les buts. Et Ligue Midget Régionale fiche de 500 pour les Ambassadeurs de Chicoutimi. Les Ambassadeurs qui ont gagné 4 à 2 sur le National de l'Abbé. Et dans le deuxième match, les Ambassadeurs qui ont perdu 5 à 2 contre ces mêmes Nationales. Tant qu'au Marcos Pop de Saint-Félicien, ils ont gagné 5 à 2 sur les Saguenay de Chicoutimi. Il y a les Rapides de Dolbeau-Mistassini qui ont gagné 9 à 1 contre le National de l'Abbé. Ça se passait dans le niveau Bantam. Et ils ont gagné également 6 à 2 contre les Hurricanes de Mastouillache. Et Mastouillache qui ont gagné 6 à 3 contre les Marquis de Jonquière. Et Ligue de football, il y avait différents bols d'or en fin de semaine. Il y avait deux équipes qu'on surveillait de près. C'est les Gaillards du Cégep de Jonquière. Les Gaillards qui ont quand même gagné en fin de semaine. Et ils ont défait l'équipe du Collège Champlain de Lambert 33-30. Ça se déroulait à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Et les Lynx d'Allemagne ont perdu 23-22 contre la Chine. Ça se déroulait à Victoriaville. Le sport local et régional? Adanradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.